scénariste, Ndiko Manyanga. Nous sommes lundi 27 juin 2022. Bienvenue à ce journal, édition de la mi-journée, dont voici d'abord le sommaire. Certains habitants des provinces Muramvya et Kayanza appellent le gouvernement burundais à tout faire pour que le vaccin contre la fièvre de la vallée du Rift soit disponible le plus tôt possible et de prévoir des mesures provisoires visant l'abattage de bétail non encore atteint par la maladie pour que les consommateurs puissent avoir de la viande à mettre sous la dent. Les litiges que la CNTB n'avait pas encore traités à la fin de son mandat seront soumis à la commission Vérité et Réconciliation. La loi régissant la CVR est en train d'être retouchée afin d'inclure dans ses missions ce volet. Le président de la République du Burundi l'a dit vendredi dernier en province Rumonge. Il ne reste qu'une semaine pour mettre en application la mesure de retirer toute personne en situation de rue, selon le communiqué du ministère en charge de la solidarité. Et certains des concernés disent être prêts, vous l'entendrez dans ce journal et dans la chronique sportive de ce lundi. L'on revient sur l'arbitrage du sitting volleyball pratiqué par les personnes aveugles. Anselme assure la mise à l'autre. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Les commerçants de viande et de boissons de la Baroudi et les vendeurs ambulants se disent inquiétés de leur avenir car leurs clients ont sensiblement diminué, cela après la correspondance du gouverneur interdisant la commercialisation et la consommation de viande de vaches, chèvres et moutons après que la fièvre de la vallée du Rift ait été déclarée dans plusieurs localités du pays. Ils demandent donc que cette mesure soit levée afin qu'ils puissent continuer à vaquer à leur occupation de tous les jours, surtout qu'aucune de bêtes atteintes n'a été déclarée jusqu'aujourd'hui. Les détails avec Patrice Atuniman. Lors de notre passage à Bugarama vers 16h de ce dimanche, nous avons nous-mêmes effectivement constaté que dans plusieurs endroits, comme celui appelé communément Metz, où habituellement on y trouve des foules immenses de voyageurs qui s'arrêtent pour prendre et consommer les brochettes très appréciées, ces endroits étaient presque vides. Selon les serveurs que j'ai pu contacter, c'est à cause du manque de brochettes. Suite à la récente mesure prise par le gouverneur Diomède Nzambimana, mesure qui interdit l'abattage et la consommation de viande de vache, de mouton et de chèvre, et à elle d'ajouter que même la consommation de boissons a été affectée, et très peu de clients prennent la boisson sans prendre de viande grillée. Et les vendeurs ambulants des produits maraîchers très abondants dans la localité d'ajouter que suite à cette mesure, ils ont vu leurs clients diminuer car très peu s'arrêtent pour acheter. Ces commerçants disent qu'ils ne sont pas contre cette mesure mais demandent aux autorités de disponibiliser les vétérinaires et les équipements nécessaires afin de diagnostiquer chaque bête avant de l'abattre, car cela leur permettrait de continuer à exercer leur métier afin de subvenir aux besoins de leur famille. Pour la radio Isanganiro, Patrice Atungimana à Muramvya. Merci à Patrice Atungimana pour tous ces détails de Muramvya Cap sur Kayanza, où certains des habitants de la commune Gatara demandent au gouvernement burundais et aux autres services habilités en matière de la santé animale de prévoir des mesures provisoires visant l'abattage du bétail non encore atteint par la maladie de la fièvre de la vallée du Rift. Les tenants des bistrots en cette localité disent qu'ils travaillent à perte suite à la fermeture des marchés de bétail et des abattoirs. Les détails avec Patrick Saint-Guillaume. Les habitants de la commune Gatara en province Kayanza, contactés sur l'absence de la viande et de la vache et celle de la chèvre et mouton, déplorent le fait que dans certaines localités du pays, on continue à abattre ces animaux contrairement à la loi. Ces mêmes habitants indiquent que dans certains coins de Bukeye, Bugarama et Bujumbura, par exemple, on y trouve encore de la viande et de la vache et celle de la chèvre, ce qui n'en est pas le cas à Kayanza. Ils demandent au gouvernement burundais et d'autres autorités compétentes en matière de la santé animale de mettre en place des mesures provisoires visant l'abattage des animaux qui ne sont pas encore atteints par la fièvre de la vallée de Rift. Lieutenant des Bisserons à Gatara aussi indique qu'il travaille à perte depuis la fermeture fermeture des marchés du bétail et des abattoirs. C'est lui avec lequel nous nous sommes entretenus à ce sujet. Nous ont fait savoir qu'avant l'apparition de la maladie, il pouvait enregistrer un gain de 30 000 par jour, mais qu'aujourd'hui, c'est seulement un manque à gagner. Les recettes qui entrent dans les caisses de certaines communes à Kayanza ont également sensiblement diminué depuis la fermeture provisoire des marchés du bétail. L'exemple est celui de la commune Kayanza qui enregistre une perte de 20 millions par mois, soit 5 millions par semaine. Depuis Kayanza, Patrick Nsengimba pour la radio Sanganilo. Merci à Patrick Nsengimba pour tous ces détails. Des personnes grillant de la viande dans différents coins de la zone de Buyenzi. En mairie de Bujumbura diverge sur la mesure du ministère en charge de l'élevage interdisant l'abattage et la commercialisation des viandes de vaches, chèvres et moutons. C'est après la manifestation des symptômes de l'épizootie dite fièvre de la vallée du Rift qui attaque ces bêtes. Les unes l'apprécient tandis que les autres s'en moquent. Les gens s'inquiètent sur le sort de leur famille vu que ce métier les faisait vivre. Ces personnes demandent aux autorités habilitées de faire le diagnostic pour que les bêtes en bonne santé soient consommées. Sur la question de collecte des fonds nécessaires pour l'achat des vaccins contre la fièvre du Rift, le directeur général de l'élevage au ministère de l'Environnement, Agriculture et Élevage nous a promis de s'exprimer ce mardi. Vous n'avez pas Isanganilo ? Vous ratez l'essentiel. 10 secteurs porteurs de croissance sont concernés par le nouveau code d'investissement alors qu'ils étaient au nombre de 5. Ce code de 2008 a été révisé en 2021. Dida Singenakumana, directeur général de l'Agence de développement du Burundi, affirme en outre que la politique de substitution progressive des importations va inclure femmes et jeunes. Suivez-le. Le code facilite les investissements dans 10 secteurs, alors que l'ancien code facilitait les investissements dans 5 secteurs. Actuellement, c'est 10 secteurs, c'est presque tous les secteurs de la vie économique qui sont concernés, qui vont bénéficier des avantages du code des investissements, à commencer par les exonérations des droits de douane et des TVA à l'importation, sans oublier la réduction progressive sur une période d'une année à 5 ans du taux d'imposition au bénéfice. Vous comprenez que les investisseurs qui investissent commencent à bénéficier 5% pour la première année sur l'impôt sur le bénéfice. Et ces 5% augmentent jusqu'à 25%, donc 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, jusqu'à 5 ans. L'ancien code des investissements, certaines catégories étaient oubliées. Mais avec le nouveau code, les catégories d'entrepreneurs comme les jeunes et les femmes vont bénéficier des avantages spécifiques à ces catégories d'entrepreneurs, ce qui est aussi une grande importance pour l'économie de notre pays parce que nous savons que ces catégories concernent les gens ou les entrepreneurs ou une partie de la population qui est nombreuse mais aussi qui détient une force considérable de pouvoir travailler. Le directeur général de l'Agence de développement du Burundi sera l'invité du journal. Environ 2,5 milliards de frambous, c'est la somme d'argent entrée dans la population de la province Ngozi durant la seule semaine écoulée de premiers paiements aux caféiculteurs ayant vendu leur récolte à l'Office de développement du café. Différentes autorités, y compris le gouverneur de la province Ngozi, demandent aux agriculteurs une bonne utilisation de cet argent et même de la récolte au lieu de les affecter dans des activités stériles telles que l'ivresse. Des détails avec Apollinaire Mutsakara. Les caféiculteurs ayant vendu leur café sur les 20 stations de l'Office pour le développement du café d'Ngozi pour cette saison 2022-2023 ont perçu l'argent pour le premier paiement. Au cours de cette semaine, passe une somme de 2,174 millions de frambous a été injectée dans cette population d'Ngozi. En plus de cette somme d'argent, Une prime sur le café vendu lors de la précédente campagne 2021-2022 leur a été octroyée, soit une somme totale de plus de 2,5 milliards de francs-bourg, d'après le personnel de l'Odekangos. Son paiement de l'argent issu de la vente du café arrive au moment de la récolte du riz et haricots. Ngozi, une bonne récolte selon les autorités tant administratives qu'agricoles. Certains commerçants en profitent pour revoir à la hausse les prix de certains produits dont la primus qui coûte entre 2500 et 3000 francs-bourg actuellement dans les milieux ruraux contre 1600 francs-bourg normalement vendus à travers différentes réunions. Le gouverneur de la province Ngozi, Emmanuel Nachosanze, conseille à la population la bonne gestion de cette récolte et région ici du café en pensant plutôt au projet d'autres développements. Donc Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isangani. Merci à Apollinaire Muzagara. Je vous le disais en titre, les litiges que la CNTB n'avait pas encore traités à la fin de son mandat seront soumis à la Commission Vérité et Réconciliation CVR. Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, qui le dit, indique que la loi régissant la CVR est en train d'être retouchée afin d'inclure dans ses missions ce volet. C'est après des inquiétudes exprimées par certains des rapatriés de Lumonge par rapport au sort réservé au dossier qui était encore pendant à la CNTB avant l'expiration de son mandat. Des enfants et adultes qui font la mendicité au centre-ville de Bujumbura disent être prêts de ne plus retourner dans la rue pour mendier. Ils le disent au moment où il reste une seule semaine pour mettre en application la mesure de retirer toute personne en situation de rue, selon le communiqué du ministère en charge de la solidarité. Ces enfants disent qu'ils mendient pour pouvoir se payer le minerval et demandent à l'État de les soutenir pour ne plus faire la mendicité. À la source, interview. Place à l'invité du journal, Didas Ngendakoumana, directeur général de l'Agence de développement du Burundi, ADB, s'entretient avec Mary Kanyang sur la substitution progressive des importations. Suivez. Didas Ngendakoumana, vous êtes directeur général de l'Agence de développement du Burundi. Bonjour. Bonjour. Récemment, vous avez lancé une politique ou un programme de substitution des importations. Quelle a été la motivation? Cette politique est très importante pour le pays, pour l'économie de tout pays, parce que c'est une politique qui met en place la stratégie du gouvernement qui cherche à remplacer certaines importations en stimulant la production locale pour la consommation intérieure au lieu d'acheter à l'étranger. Donc on favorise la production locale et la consommation locale, mais aussi après avoir servi le marché local, exporter. C'est une politique donc qui vient pour chercher à remplacer progressivement certaines importations par des productions locales. De ces productions suppose une certification des produits. On a le Bureau burundais de normalisation qui semble n'avoir pas un personnel qualifié et des moyens aussi pour la certification. N'est-ce pas un problème à cette politique? Nous sommes en contact. C'est une institution gouvernementale qui est parmi les partenaires clés. Nous sommes conscients qu'au BBN, il y a ce qu'on appelle la certification système qui n'est pas en place actuellement et qui bloque les producteurs burundais, les industriels burundais. Mais nous sommes en train de travailler avec eux, en partenariat avec nos partenaires techniques et financiers. Avec la nouvelle politique, avec les nouvelles missions de l'ADB, les exonérations ne vont pas toujours aller au-delà des 18 milliards comme certains le disent, que c'est exorbitant, non? Premièrement, à l'ADB, il n'y a que seulement des exonérations aux investisseurs, pas aux autres catégories. Dès que la production est vendu sur le marché local et international ou régional, la matière première qui était exonérée quand elle avait été importée, cette fois-ci contribue aux recettes fiscales en payant les impôts et taxes. C'est donc un avantage pour le pays, pour l'économie du pays. C'est pas une menace à l'économie burundaise, c'est un avantage. Didas Ngendakumana, directeur général de l'Agence de développement du Burundi, merci. Merci à vous. Radio Isanganiro, chronique sport. Place à la chronique sportive lors des compétitions du sport de sitting volleyball pratiquées par les personnes aveugles. L'arbitre principal est chargé de la coordination du déroulement du match en collaboration avec d'autres arbitres qui ont des fonctions différentes, y compris les juges de ligne. Cassien Vizavigomba, directeur technique adjoint au sein du Comité national paralympique, indique que ces arbitres donnent le point en se référant au règlement régissant le sport de sitting volleyball. Les détails avec Marie-Claire Cazanette. Lors des compétitions du jeu de sitting volleyball pratiquées par les personnes aveugles, les arbitres donnent les points selon la performance des joueurs. Explication de Kassé Bizabigomba, directeur technique adjoint au sein du Comité national paralympique. Les points se sont attribués par les joueurs eux-mêmes. Ce ne sont pas les arbitres ou les juges de ligne ou les marqueurs qui attribuent les points à telle ou telle équipe. Non, ce sont les joueurs eux-mêmes qui s'attribuent des points à un joueur. C'est-à-dire que lorsqu'il joue bien, le ballon tombe par terre du côté adverse. Donc, automatiquement, il gagne ou il enregistre un point. C'est les règles officielles qui déterminent ça. Il indique que ces règles doivent être adoptées dans l'Assemblée générale du Comité international paralympique. C'est l'Assemblée générale qui se tient après les Jeux paralympiques ou les Jeux olympiques. Si les Jeux paralympiques ou les Jeux olympiques terminent, c'est-à-dire qu'il y a une Assemblée générale, c'est au cours de cette Assemblée générale qu'on détermine toutes les règles et lois qui doivent déterminer comment les Jeux des 4 ans suivant, voilà, c'est l'Assemblée générale donc qui détermine ça. Le respect de ces règles exige l'étroite collaboration des arbitres, selon ce directeur technique adjoint au sein du Comité national paralympique. Comment les arbitres communiquent entre eux? C'est-à-dire que le premier arbitre doit contrôler tout parce qu'il est lui le garant de tout ce qui peut arriver sur le terrain au cours du jeu parce que c'est lui qui gère tout le match. C'est lui le patron du match. Alors, c'est lui qui doit essayer de communiquer par les yeux et par les signaux avec les juges de ligne, avec le deuxième arbitre, avec les marqueurs et tous ceux qui sont impliqués dans le match. Kassé Bizabigomba ajoute que ces arbitres doivent collaborer également avec les ramasseurs qui ne sont pas membres du corps d'arbitrage. C'est par ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Anselme pour la mise en onde de la présentation. Vous étiez avec Evariste Nzikobanyanga. Un bon après-midi à tous et à tous. Mais dans quelques instants, vous aurez droit à la revue de presse des pays de la communauté de l'Afrique de l'Est. Actualité régionale. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous nous écoutez. Débutons cette revue régionale par le journal du Monitor de l'Ouganda qui écrit sur la tension alors que les voleurs armés terrorisent la banlieue de Kampala. Les habitants et les hommes d'affaires de plusieurs lieux environnant la région métropolitaine de Kampala ont été traumatisés après une série de raids violents par des voleurs armés la semaine dernière. Le dernier incident, rapporte ce journal, s'est produit vendredi dans un supermarché de Mulago dans la municipalité de Mukono où des personnes armées d'un fusil ont fait une descente dans le supermarché et ont tiré sur un caissier avant de voler une somme d'argent non précisée. Le porte-parole adjoint de la police métropolitaine de Kampala, Luke Oyesigire, a déclaré que les enquêtes avaient commencé et que les coupables seraient arrêtés. Le journal Citizen Digital du Kenya écrit sur la mort d'un homme qui s'est pendu après avoir blessé sa femme. Cet homme de 57 ans s'est suicidé après avoir grièvement blessé sa femme à coups de machette dans la ville de Mithumo, Ndulu Comté, de Makueni. Selon le chef adjoint de la région, l'incident s'est produit dimanche soir où soupçonna qu'il aurait pu tuer sa femme, le vieil homme s'est enfoui. Son corps, éclaire le journal, a été découvert ce lundi matin, pendu à un arbre dans la ferme de son voisin. La femme a été transportée d'urgence à l'hôpital de Bumbuni avant d'être transférée à l'hôpital de référence de Makueni où elle est admise dans un état grave. Actualité régionale. La Tanzanie dépense des millions pour déménager et construire une nouvelle vie à Tanga pour le lion de Maasai, rapporte le journal The East African. Le village d'Omsomela, à environ 50 km du canton d'Ohandeni, dans la région de Tanga, à 600 km de l'Oliondo, est jusqu'à présent absent de la controverse internationale qui fait rage sur la réinstallation des familles Maasai de l'Oliondo dans la région d'Ongolongolo en Tanzanie. Ce paysage rural vaste et peuplé, bordant le district de Kibindi et la région de Munyara, est la destination finale de choix du gouvernement pour les familles Maasai déplacées de l'Oliondo. Au cours des deux dernières semaines, les autorités tanzaniennes ont poussé de manière agressive la relocalisation de la communauté pastorale Maasai de l'Oliondo, malgré les critiques de la société civile et des anthropologues du monde entier. Quant au journal Okapi de la République démocratique du Congo, des rebelles ADF multiplient des attaques contre des civils à Beni, alerte la société civile. La société civile du Nord Kivu appelle le gouvernement à ne pas oublier la situation sécuritaire qui prévaut dans le territoire de Beni. Dans une interview accordée dimanche 26 juin à Okapi, le premier vice-président de cette structure citoyenne, Edgar Mateso, estime que tous les efforts sont actuellement concentrés dans le territoire de Rutshuru à cause de la résurgence de la rébellion du M23, alors que les ADF multiplient les attaques contre les civils à Beni. Cette autorité renseigne que la situation sécuritaire reste volatile dans plusieurs villages du territoire de Beni, notamment à Mamove et Kokola. C'est parti que prend fait cette revue de presse régionale. Elle vous a été présentée par Omer Ndoyo en compagnie de Audrey Akimana. À la prochaine. Actualité régionale.